Bonjour frères et sœurs, nous sommes arrivés au septième message de la série. Je parlerai donc de la persévérance finale. On ne peut pas parler de salut sans parler de persévérance. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu ce qu'avait écrit un défenseur du salut qui ne se perd pas. Cette doctrine va de pair avec le salut à la fois seul, évidemment. Toutes les doctrines de chrétiens tièdes se rattachent entre elles. Il disait ceci, « La persévérance n'est pas nécessaire au salut. » Parce que la persévérance est une œuvre et que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres mais par la foi seule. Bon, ce jeune frère là, lui poussait vraiment le bouchon très très loin là. Les chrétiens ont de ces exagérations incroyables quelquefois. Matthieu 10, 22, Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ce qui veut dire que celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Peut-il exister langage plus clair? Jean Chrysostome, au IVe siècle, a écrit « Il en est beaucoup, en effet, qui, pleins d'ardeur dans les commencements, perdent insensiblement toute leur force. Car de quelle utilité peuvent être les semences qui donnent d'abord des fleurs et qu'on voit ensuite se dessécher sur leurs tiges? » Fin de citation. Dans le Seigneur, pour être sauvé, il ne s'agit pas seulement de bien partir, mais de bien arriver. La persévérance est bel et bien nécessaire au salut. Oui, la persévérance va toujours impliquer de la souffrance tôt ou tard. La vie chrétienne est une vie de souffrance et de joie. La souffrance n'enlève pas la joie, elle la donne. Depuis la Réforme, les croyants vivent en pleine apostasie. On ne croit plus à la persévérance, on ne croit plus à l'obéissance, on ne croit plus aux œuvres bonnes, on ne croit plus que le mariage soit un sacrement, on croit que le mariage n'est qu'un contrat entre deux êtres humains, on croit que la Sainte-Cène n'est qu'un mémorial, on ne croit plus aux dons spirituels, on ne croit plus au baptême du Saint-Esprit, on ne croit plus en rien. Nous avons conservé l'apparence de la piété et avons renié tout ce qui en faisait la force. Voilà le bel héritage de la Réforme qui est une religion de tiédeur par excellence. On préfère croire des doctrines plus douces, plus agréables, plus faciles, plus accommodantes, plus indulgentes, élastiques et bien relâchées. Voilà toutes les doctrines que nous a léguées la Réforme. Ce pasteur baptiste disait qu'étant donné que nous étions sauvés par la foi seule et que la persévérance impliquait un effort, alors l'effort devient une œuvre. Il disait que Dieu ne nous demande pas de faire des efforts. Il prêche ces bêtises-là du haut de la chair depuis des années. Mieux vaudrait être sourd qu'entendre des bêtises pareilles. Depuis quand le chrétien n'est pas appelé à faire d'efforts? 2 Pierre 1,5 « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, etc. » 2 Corinthiens 5,9 « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Éphésiens 4:3, vous efforçant de conserver l'unité. Actes 24:16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 1 Corinthiens 10:33, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous. 2 Timothée 2,15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Luc 13,24 « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Si la foi seule suffisait à tout, mes amis, où serait donc la difficulté dont Jésus parle ici? Si vous refusez l'effort, vous refusez le christianisme. Les efforts de la persévérance finale sont nécessaires au salut. Des âmes longtemps fidèles se sont perdues faute de persévérance. Il y a des âmes longtemps aimées de lui qui ont cessé de l'être faute d'avoir persévéré. Qui donc serait assez irréfléchi pour ne pas craindre? Alors oui, la persévérance est une œuvre et une œuvre qui est nécessaire au salut. Mais laissons parler les Écritures. Nous allons voir quelle place occupe la persévérance dans les Écritures. Luc 9,15 « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Romains 2, 6, 7 « Le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » La persévérance dans les bonnes œuvres est donc nécessaire au salut. Romains 5, 3 à 5. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance donne la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de la vie éternelle. Lorsqu'un homme persévère dans l'épreuve, il grimpe dans l'échelle de l'amitié de Dieu. Lorsqu'un homme est agréable au Seigneur, le Seigneur dépose en lui le témoignage intérieur de l'espérance du salut et le témoignage qu'il est un bien-aimé. Apocalypse 15:5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres. Est-ce que celui qui s'appelle le Dieu de la persévérance ne nous demanderait pas de persévérer? 2 Thessaloniciens 1:4. Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Pourquoi? Parce que les persécutions entraînent l'apostasie. Toute l'Épître aux Hébreux a été écrite pour exhorter les chrétiens à persévérer dans la foi et de ne pas apostasier. Hébreux 12:1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La persévérance fait partie intégrante du salut chrétien. On ne peut pas l'éliminer. Apocalypse 1:9. Moi, Jean, votre frère qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Tout ça, mes amis, ne se sépare pas. Apocalypse 2, 2, 3 et 5. Je connais ton œuvre, ton travail, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. La persévérance dans les bonnes œuvres est nécessaire au salut. Apocalypse 3, 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Apocalypse 13:10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Persévérer dans la foi est nécessaire au salut. Colossiens 1:10. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Hébreux 8:9. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Actes 14:22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La persévérance fait partie de la foi. Et dans toute l'Écriture, la foi seule n'existe pas. Hébreux 6, 11, 12 et 15. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Une autre traduction a rendu « Ne tombiez pas dans l'indifférence et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance encore héritent des promesses. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et quelle était cette promesse? Mais en 1 Jean 2, 25, il est dit « La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Hébreux 10, 36 « Car vous avez besoin de persévérance. » afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'accomplissement de la volonté de Dieu est nécessaire à l'obtention de ce que Dieu nous a promis. Luc 22, 28, 29. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Voyez-vous la persévérance liée au salut? 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. La persévérance est liée au salut. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La persévérance liée au salut. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Encore la persévérance liée au salut. Alors, cette histoire-là, cette doctrine qui veut que la persévérance est une œuvre, puis qu'on n'a pas besoin de persévérer pour être sauvé, c'est de la gnognotte. C'est de la fausse doctrine. Si on vous a enseigné ça, eh bien, sortez-vous ça de la tête au plus vite, parce que c'est complètement faux. Matthieu 10, 22, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 14, 13, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Voilà où nous atteignons le but, frères et sœurs. Voilà le moment où nous remportons le prix de la vocation céleste. Tant que nous ne mourrons pas dans le Seigneur, il n'y a encore rien de joué. À partir du moment où vous avez accepté le Seigneur et le moment où vous allez mourir dans le Seigneur, tout peut arriver. C'est pourquoi on nous donne plus d'une trentaine d'exhortations à la persévérance dans le Nouveau Testament. Persévérance à combattre le combat de la foi, afin que le lion ne nous dévore pas, ou que nous ne fassions pas naufrage par rapport à la foi, ou de ne pas tomber dans la tiédeur, ou pour ne pas retourner vivre dans nos anciens péchés. Oui, la persévérance est une œuvre. Et c'en est une solide pour ça. Le salut par la foi seule, plusieurs sont en train d'en faire une folie. Martin Luther est même allé jusqu'à dire que la repentance était une œuvre. Et pire que ça, il disait que la repentance était un péché véniel parce qu'elle entrait en conflit avec sa doctrine tordue du salut par la foi seule. Selon le salut luthérien, l'homme n'a absolument rien à faire pour être sauvé. Et ça, mes amis, ce n'est pas seulement une erreur doctrinale, mais une doctrine de démon. Les persécutions sont le facteur numéro un des abandons de la foi. L'histoire de l'Église montre clairement que les persécutions chez les premiers chrétiens étaient la principale cause d'apostasie. Tertullien parle de la persécution qui a eu lieu sous l'empereur Dèce, qui a eu lieu de 249 à 251. Elle fut brève mais violente. Il rend le témoignage suivant. En chaque ville et bourgade, une commission est instituée devant laquelle chaque habitant doit comparaître. Chacun doit prouver qu'il n'est pas chrétien en offrant une victime sur l'autel, ensuite en reniant le Christ par une formule blasphématoire. Enfin, en prenant part à un festin païen, ceux qui consentent reçoivent un certificat sauveur. Les chrétiens traduits devant les tribunaux constituent une élite. Il ne s'agit pas de tuer les chrétiens, mais de les faire apostasier et en refaire des Romains. Menaces de mort, torture, confiscation des biens, séduction des honneurs et de la volupté, tout est mis en œuvre pour faire renier. Sous cette pression, les chutes furent nombreuses, surtout parmi les riches, ce qui ne m'étonne guère. Fin de citation. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Rémisius, commentant cette parole de Jésus, a écrit « Ce ne sont pas ceux qui commencent, mais ceux qui persévèrent à qui la récompense est donnée. » Sachez ceci, frères et sœurs, les premiers chrétiens et ceux qui sont venus après eux ont toujours cru que la persévérance était nécessaire au salut. C'est seulement au 16e siècle, avec la Réforme, que ces doctrines étrangères aux Écritures ont commencé à faire leur chemin jusqu'à nous. La persévérance est un thème central du christianisme. Frères et sœurs, je vous exhorte à demeurer attachés à la parole telle qu'elle a été enseignée par le Seigneur et qui a été confirmée par les générations de chrétiens après lui. Le simple bon sens devrait nous suffire pour mettre en doute une doctrine qui apparaît 16 siècles après Jésus-Christ. En Tite 1,9, Paul nous exhorte à rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et non selon des nouvelles interprétations qu'on allait en faire 1600 ans plus tard. Maintenant, si vous êtes de ceux qu'on traite durement au travail à cause de votre foi ou dans votre famille et que vous avez des tentations de tout abandonner, moi je vous dis ne le faites pas, persévérez. Souvenez-vous de celui qui a souffert la honte sur la croix pour vous. Mettez devant vos yeux l'extraordinaire récompense de la vie éternelle qui vous attend dans les cieux. Jean Chrysostome a écrit « Devant le tribunal effrayant des persécuteurs, au milieu d'un peuple en furie, alors que nous ne voyons de tous côtés que des sujets d'effroi, Jésus-Christ vient à notre secours et nous donne la force de parler avec une saine hardiesse et d'être inaccessible à la crainte. » Alors, frères et sœurs, soyez forts, surmontez tout. Dites comme le roi David, Éternel, enseigne-moi ta voie pour que je la retienne jusqu'à la fin. Psaume 119, 33. On nous dit que lorsque nous avons été justifiés, nous n'avons plus rien à faire, que tout est accompli. Encore un verset que l'on cite hors contexte pour notre perte. Jésus parlait de sa mission qui était terminée, et non que nous n'avions plus rien à faire. La justice de Christ ne nous a pas été appliquée avec la mention de ne rien faire avec, mais avec la mention de l'utiliser pour devenir juste et être sauvé, être juste en action et en vérité. L'école protestante dit que la justification de Christ ne demande aucune participation de notre part et n'est qu'une justice appliquée. Alors que la vraie doctrine évangélique et biblique nous enseigne que la justification est une participation. Le croyant n'est pas celui qui a été déclaré juste, mais celui qui a été rendu juste, comme le stipule clairement Romains 5, 19. Un homme n'est pas ce qu'il croit, il est ce qu'il fait. Ézéchiel 18, 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il émet toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Non. Toute sa justice sera oubliée et à cause de cela, il mourra. J'en entends dire, ah ben ça c'était l'Ancien Testament, je ne suis plus bon aujourd'hui, je m'excuse là, mais ce n'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là, c'est la loi de Moïse. Ce que Dieu nous montre ici par ce texte, c'est sa justice. Et la justice de Dieu n'a pas été inventée par Moïse. La justice de Dieu est éternelle, elle a toujours existé, elle existera toujours, et Dieu ne change pas et sa justice non plus. Dieu est un Dieu qui ne change pas, en lequel il n'y a ni ombre de variation. Son amour ne change pas, sa justice ne change pas. Le texte d'Ézéchiel est encore en vigueur aujourd'hui, je vais vous le prouver. On va regarder ce que Paul dit. Paul dit exactement la même chose dans le Nouveau Testament qu'Ézéchiel. En Romains 8, 13, « Si vous, les chrétiens, vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Alors le chrétien moderne ne veut plus de responsabilité, il ne veut plus d'obligation ni de devoir, il veut un christianisme facile et commode, il veut entendre des doctrines qui le déchargent et l'excusent de tout, il veut être dégagé, dispensé de tout, et le protestantisme libéral de Martin Luther lui fournit tout ça abondamment. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs, et ne vous séduisez pas vous-même. Vassula Raiden a écrit « La noirceur qui est en nous est bien pire que la noirceur à l'extérieur de nous. » Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Qui sont les lâches? Ce sont ceux qui n'ont pas eu le courage de persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Ce sont ceux qui ont craqué sous la pression et qui ont choisi d'apostasier, de renier, et qui ne sont jamais revenus au Seigneur par la suite. Dieu n'enlève le salut qu'aux âmes qui n'en veulent plus, qui laissent tomber leur salut par terre et s'en vont. Dieu ne chasse personne ni ne retient personne. La vérité, c'est que Dieu va courir derrière les chrétiens infidèles pendant des années s'il le faut. Dieu comprend la faiblesse, mais lorsque toutes les tentatives du Seigneur échouent et lorsqu'il voit que la décision de ces personnes est vraiment arrêtée, il n'a d'autre choix que d'effacer leur nom du livre de vie. Et c'en est fini. Mais tant que nous demeurons attachés au Seigneur dans notre cœur, nous sommes en parfaite sécurité et assurés de recevoir tout le secours dont nous avons besoin. Aucun péché, aucun homme ni aucun démon ne peut nous séparer du Seigneur et de sa protection. Toute perte de salut découle de notre décision de l'abandonner. Je termine avec cette belle citation de Bossuet. « Seigneur, mettez-moi au nombre de ceux qui ne perdent pas leur couronne. » Amen.